Comme une goutte d'eau qui serait l'océan, l'univers est un grand nuage. Mon univers va de l'un à l'autre, de bas en haut et de haut en bas comme les oiseaux de passage. Au sentiment des ciels d'automne, l'enclume de mon navire est restée à quai. Aux couleurs des paysages terriens, la mer est chahutée au loin et bouscule des hommes en quête de sensations. Au sentiment des ciels d'automne, la mer tend la vague qui échoue à ma porte. Un albatros déploie ses ailes, il n'y a plus rien à dire désormais qu'à se laisser vivre.